Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Québec durant la Deuxième Guerre mondiale. Mon général, dans cette vieille capitale du Canada français, tout petit encore de tant de souvenirs de notre commune histoire, soyez le bienvenu. Le maire de Québec, Lucien Borne, qui souhaite la bienvenue au général de Gaulle lors de son passage à Québec en juillet 1944. Durant la Deuxième Guerre mondiale, la ville de Québec s'internationalise. La vieille capitale va accueillir deux conférences qui vont réunir le premier ministre britannique Winston Churchill, le président américain Franklin Delano Roosevelt et le premier ministre canadien William Lyon Mackenzie King en août 1943 et en septembre 1944. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Québec rêve même qu'on y construise le futur siège des Nations Unis. Les années de guerre sont également synonymes de croissance économique spectaculaire à Québec. L'économie de guerre explose, la construction navale roule à plein régime. Québec est aussi, durant cette Deuxième Guerre mondiale, un important point de départ pour tous ces militaires qui vont partir combattre les Allemands en Europe. Mais ce Québec effervescent de la Deuxième Guerre mondiale met aussi à rude épreuve ce qu'on appelle à l'époque la bonne moralité publique. Alcool, prostitution, maladies transmises sexuellement, grossesse hors mariage, le Québec de la Seconde Guerre mondiale est un Québec qui s'encanaille. Vous entendrez maintenant de la citadelle de Québec le Premier ministre de Grande-Bretagne. At the beginning of July, I began to feel the need. Au début du mois de juillet de cette année, j'ai senti la nécessité d'avoir des entretiens avec le président Roosevelt et les états-majors de nos deux nations. Et j'ai été très content lorsque M. Roosevelt a suggéré la ville de Québec comme siège à cette conférence. President Roosevelt suggested that Quebec should be the scene. And when the Governor General and the government of Canada offered us. Lorsque la ville de Québec a été choisie et que le gouvernement du Canada et Son Excellence le comte d'Athlone, gouverneur général, nous ont offert cette hospitalité, nous avons immédiatement accepté. À mon avis, nul autre endroit plus merveilleux pouvait être choisi pour la réunion de ceux qui ont à cœur le triomphe du droit et de la justice. At this cardinal moment in the Second World War, then we have here. In the plains of Abraham. Et pendant plusieurs jours, au château Frontenac, sur les remparts de la citadelle, dans le voisinage des plaines d'Abraham, nous avons conféré sur la guerre et sur la paix. From the midst of which I speak to you now. Here at the gateway of Canada. Les Canadiens n'ont pas connu la tyrannie de Hitler et de Mussolini. L'esprit de liberté, depuis plusieurs siècles, a connu un véritable foyer dans ce pays de Québec. The spirit of freedom has found a safe and abiding home. Le premier ministre britannique Winston Churchill, lors de la première conférence de Québec en août 1943, pour nous parler, pour nous présenter ce Québec en temps de guerre durant la Deuxième Guerre mondiale, mon invité Caroline Damour, chercheuse postdoctorale en histoire militaire canadienne à l'Université de Boston. Caroline Damour, bonjour. Bonjour. Un mot d'abord sur le contexte, ce contexte très particulier pour Québec de la Deuxième Guerre mondiale. On vient d'entendre Winston Churchill à la première conférence de Québec en 43, il y en aura deux. Québec devient à ce moment-là, Caroline d'amour, une ville qui a une importance historique. Québec s'internationalise. Comment d'abord, pourquoi Québec réussit à accueillir ces deux conférences qui vont être importantes dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale? Tout à fait. C'est des conférences de planification stratégique. On va avoir un besoin de se rencontrer pour mieux travailler ensemble. Mais Québec, et faut se rappeler aussi, Québec, au 19e siècle, Québec était relativement international. On avait beaucoup de Britanniques. Le port était un port qui faisait affaire avec le grand empire britannique. Donc, c'est un retour jusqu'à un certain point vers l'idée d'une ville internationale. Et Québec va vouloir surfer un petit peu sur la vague à ce moment-là. Et on a aussi le côté que on est en train de réaliser que Québec peut être une superbe ville touristique parce que le tourisme depuis les années 20, ben, moins 30, mais les années 20, est en train de regagner un peu d'activité à ce moment-là. On investit pour ramener du monde vers Québec. Et donc, ces deux conférences, c'est une vitrine formidable. Québec rayonne partout dans le monde parce qu'encore une fois, dans ces deux conférences, il y a des décisions importantes qui vont être prises dans l'organisation des forces alliées, la façon dont les alliés pourront vaincre les Allemands. Oui. Vous disiez, on surfe à Québec. C'est intéressant de le rappeler parce que vu avec nos yeux d'aujourd'hui, ça paraît complètement surréaliste, mais on est tellement... Il y a comme une fierté à ce moment-là à Québec qui fait qu'on songe, mais très sérieusement, par exemple, à ce que le siège des Nations Unies qu'on doit construire après la Deuxième Guerre mondiale soit construit à Québec. Tout à fait. Et c'est, on voit l'ambition du maire Lucien Borne à vouloir établir la ville. Parce qu'il faut penser aussi que pendant la guerre, on se souvient de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui est arrivé après la Première Guerre mondiale? On a eu des pertes d'emploi, on a eu du chômage et ensuite la crise. Donc, on prépare la reconstruction, on y pense à la longue. Et c'est ce que le maire Lucien Borne veut faire, c'est ramener ou plutôt assurer plusieurs secteurs d'activité dans sa ville. Et ce qui n'était pas une mauvaise idée, d'ailleurs. Donc, il y a des architectes qui vont carrément dessiner des plans pour un futur siège des Nations Unies sur les plaines d'Abraham. Sur les plaines, pauvres plaines. Incroyable. le Québec de la Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi, évidemment, par ses situations géographiques, c'est un port important. C'est un lieu d'embarquement important pour les soldats qui vont partir vers le vieux continent. Donc, ça devient une ville où il y a beaucoup, beaucoup de militaires. Et puis, c'est aussi, bien sûr, un important centre industriel qui va servir à l'effort de guerre. Avec Québec, la capitale, les Canadiens français préparent leur réponse à la menace nazie. Voilà les hommes dont les agents de Hitler ont dit qu'ils emploient des méthodes surannées qui datent de Louis Hébert. Ces espions n'ont pas compris le côté progressif du caractère canadien-français. Ils n'ont pas su voir la vitalité et l'habileté native d'une population rurale qui, du jour au lendemain, a su s'adapter à la production massive des engins de guerre. Considèrent le Saint-Laurent comme une avenue vers de nouvelles conquêtes territoriales, les Canadiens français, eux, ont une conception tout à fait opposée. Pour eux, c'est une route victorieuse qui mène jusqu'au repère des nazis. Extrait du film « Québec, tremplin stratégique », un film de propagande, vous l'aurez compris, de l'ONF, produit en pleine période de guerre en 1942. Quelle importance a, au-delà de... C'est un peu suranné, mais ça en dit beaucoup, ce qu'on vient d'entendre sur l'état d'esprit à ce moment-là, à Québec et partout au Canada. Quelle importance a Québec pendant la Deuxième Guerre mondiale, Caroline Damour, sur le plan stratégique? Bien, Québec est un... On a parlé d'être un port d'importance encore, même si Montréal avait pris un peu plus de rang dans les dernières décennies. Québec est encore un port d'importance. On a des départs de troupes. On a parlé des munitions qui sont en train de se construire, en fait, d'être produites. Et ça fait que Québec devient une plaque tournante de l'effort de guerre canadien à tout vent jusqu'à un certain point. Là. Par ses usines, par l'arsenal, en fait, la construction de navires qui va être importante à ce moment-là aussi. Tout à fait, parce que la production matérielle passe du tout au tout. Québec était, avant le début de la guerre, était un petit peu moribond au niveau de sa production industrielle. Et on relance vraiment de loin la production. On parle des millions de dollars de production matérielle qui sont dus à l'effort de guerre. Je pense que c'est de l'ordre de trentaine de millions de dollars par année. Mm-hmm. Donc, c'est énorme. Munitions, uniformes, navires, textiles. Ouais. On a beaucoup de choses qui sont produites et ce qui va faire qu'on a un apport de personnel qu'on a besoin. Ouais. Et puis, bien sûr, ces militaires très, très nombreux qui sont en permission, qui attendent pour partir vers l'Europe combattre les Allemands. Donc, une ville qui vraiment devient une place forte sur le plan militaire. On écoute pour en témoigner un extrait du film 1 du 22e, un autre film de l'ONF réalisé celui-là en 1940. Je me suis dit, je vais m'enrôler. Nous sommes allés tout droit à la citadelle de Québec, où j'ai été assermenté soldat du Royal 22e. Et c'est ici que j'ai commencé à devenir militaire. Allez! Bougez plus! Immobile! Right! Right! fait? Nous avons des sous-officiers pour nous renseigner par petit groupe quoi faire. Squad, attend, pulse! Squad, go, and! Mais je m'entends dire qu'on ne refuse pas non plus un peu de musique dans la cantine. Le soldat qu'on entend dans cet extrait du film de l'ONF qui a décidé de s'enrôler, évidemment, il ne sera pas le seul. Il y a beaucoup, beaucoup de militaires à Québec au moment de la Deuxième Guerre mondiale, Caroline Damour. Oui, tout à fait, parce qu'il faut comprendre qu'au Québec, au total, on a à peu près 130 000 personnes qui s'enrôlent. Il y a plusieurs de ces personnes-là qui sont redirigées vers Québec. On a à peu près, on passe de un peu moins de 300 militaires avant la guerre à près de 15 000, c'est énorme combo. À Québec même, seulement. Ouais. Là. Et ça ne, on ne tient pas compte des personnes qui sont en permission, ouais, qui viennent à Québec pour festoyer un petit peu. Et donc, il y a du monde, il y a de la circulation. Et ça fait que Québec redevient une ville militaire parce que au 19e siècle, on avait une garnison qui avait été toujours présente à l'époque. Oui. Et puis, en plus de ces nombreux militaires qui sont à Québec, postés à Québec en attente de partir ou en permission, la population dans son ensemble grossit aussi. Vous le disiez, l'économie de Québec avant la guerre est un peu moribonde. Là, il y a besoin de bras pour fabriquer ses munitions, ses uniformes, ses bateaux. Donc, beaucoup de travailleurs. Beaucoup de travailleuses aussi. Tout à fait. On a une augmentation. Ce qui est très intéressant, j'avais lu là-dessus, on trouvait que pendant la période de la crise, on avait trop de personnes à nourrir. Pendant la guerre, on trouve qu'on manque de personnes à nourrir et à avoir pour les industries. Donc, c'est là qu'on va voir la différence à Québec, on va voir les effets. On passe pour une ville qui est à peu près 150 000 personnes à l'époque, on a une augmentation de 20 000 personnes au niveau des travailleurs industriels. C'est une augmentation qui est phénoménale. Plus les 15 000, ça fait quoi? Presque 20 % la population croît de 20 % à exact, ce moment-là. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Pour aujourd'hui, là, l'ordre de grandeur serait vraiment important là, au niveau, comme vous disiez, 20 % à peu près. Et de ces 20 000 personnes-là de travailleurs, on a environ 8 000 femmes qui viennent aussi des campagnes pour trouver l'emploi dans les industries des munitions. Parce que les hommes sont partis, ils partent à la guerre, en fait. Oui, parce qu'on essaie, dans le fond, c'est comme je disais, on a une espèce de situation de rareté de main-d'œuvre. Le Canada manque de personnes. On est seulement 11 millions à l'époque et on a besoin que les hommes, eux, s'engagent dans les armées et il faut pour ça que les femmes les remplacent dans les usines. Ce qui est un peu contraire parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, les femmes étaient plus encouragées à rester à la maison, s'occuper des enfants, avoir le travail domestique. Donc, c'est une petite révolution qui est encore un peu présente à ce niveau-là. Donc, ça va donner une ville en pleine effervescence parce que il y a de la prospérité. Oui. C'est une ville qui croît en population, où les gens viennent y travailler, donc ont des moyens. Et ce Québec effervescent et prospère va en quelque sorte s'encanailler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ce Québec-là va devenir une... À l'époque, on parlait, je pense, carrément d'une capitale du vice, là, entre guillemets. Mais faut pas oublier que Montréal est assez présente à ce niveau-là. Montréal est assez fort, mais Québec, c'est parce qu'il y a des facteurs, au fond, au-delà de la guerre, qui vont toucher Québec et Montréal, exact, entre autres la prohibition, exactement, aux États-Unis, qui fait qu'on viendra fêter tout au nord fait. Du... Oui, ouais, voilà. Puis on a aussi l'espèce de bel aspect qui est encore présent. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de touristes à Québec. On a l'aspect de la touche européenne, ouais, des Français, etc. Mais aussi Québec a, depuis une belle lurette, un secteur de prostitution. C'est qu'on a toujours l'image de Québec, jusqu'à certains points, la pure Québec. On ne peut pas avoir de vice à cette époque-là. Mais Québec a déjà un petit secteur d'alcool et de prostitution. Et la guerre va juste multiplier tous ces phénomènes-là. Oui, parce qu'il y a une offre et qu'il y a une demande surtout, oui, encore une fois, de l'argent. Il y a peut-être aussi... Est-ce qu'il y a une forme... C'est la guerre, c'est dur, mais est-ce qu'en même temps, il n'y a pas une espèce de culture de l'insouciance? Oui, ouais, bien, on a une culture de masse qui commence à prendre la place. Le clergé, d'ailleurs, est assez réticent à tout ce qui commence, le cinéma, le théâtre, les danses à l'extérieur. Donc, il y a cette culture de masse-là qui est en train de lever au-delà de la guerre, mais la guerre avec de l'argent renforce. Et on a aussi l'espèce de façon de faire qui est de que les gens qui arrivent à la ville et les pauvres jeunes filles ou les pauvres jeunes hommes de 18, 20 ans, 24 ans, pour la première fois de leur vie, sont hors de la surveillance de leurs parents. Et ils ont l'anonymat de la ville. Et donc, Québec devient, à l'instar de Montréal depuis belle lurette, mais Québec va avoir vraiment une nouvelle effervescence de ce marché-là du vice. Et beaucoup de gens seuls, les militaires, oui. Les jeunes hommes seuls, et ces femmes qui viennent travailler en usine et qui sont souvent seules parce qu'elles sont célibataires, parce que leur conjoint est parti combattre. Donc, il y a comme beaucoup de décelés dans cette ville où il y a de l'argent. Le phénomène d'encanaillement, il va toucher tout le monde, mais d'abord et avant tout, l'armée. Oui. Là, les chiffres sont hommes comme femmes, d'ailleurs. Hommes comme femmes, mais c'est sûr qu'au niveau des hommes, ça va être assez... Parce qu'il faut se souvenir que la culture militaire renforce l'idée qu'un homme, un vrai, c'est un homme qui boit beaucoup, qui va blasphémer, qu'il faut qu'il prouve sa virilité, donc il faut qu'il couche avec une femme, il faut qu'il s'en vante par la suite. Et on a cet aspect-là qui mousse encore plus. Mais il faut aussi savoir que les hommes, après avoir s'être entraînés pendant 2 semaines dans un régime martial... On veut probablement profiter de la vie et surtout que ça se peut que lorsqu'on va passer en Europe, ben on a des chances de mourir. Donc, on veut profiter de la vie à ce moment-là. Et l'armée va vraiment payer le prix pour cette envie des plaisirs des hommes. Juste pour les premières années, on voit qu'une augmentation phénoménale des problèmes à ce niveau-là. Et ça donne quoi? Il y a des chiffres qui sont assez éloquents là-dessus. En 1940, ça c'est pour la ville de Québec seulement. Un soldat sur 5 est atteint de maladies vénériennes. Et pourtant, on donne des condoms et on essaie de tranquillement d'éduquer les hommes à faire attention et se préoccuper de ce problème-là. Mais un soldat sur 20 en 1940 est atteint et c'est une moyenne qui est totalement plus élevée que la moyenne nationale juste à Québec. Parce que la moyenne nationale, c'est 1 sur 20. Donc, et Montréal va avoir... En fait, le même problème, Montréal est la place où il y a le plus de maladies vénériennes. Québec vient tout de suite après. Oui. Consommation d'alcool. Puis les femmes, c'est pareil. Les femmes, il y aura des grossesses, évidemment, non désirées, beaucoup. Tout à fait. En fait, les femmes, il y a un rapport de militaire de 1943 qui dit qu'à chaque fois qu'il y a une paye, la moitié des femmes reviennent et sont complètement sous l'effet de l'alcool. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, naturellement, les femmes, elles aussi, on a les sens un peu inhibés. Ouais. Ça va faire qu'on a un petit peu de loisirs à avoir. Et ce sera la même chose pour la population en général. On parle des militaires, mais il y a comme un vent de qui balaie Québec de libertinage et ça se traduit aussi sur la fréquentation. La situation des prostituées, elle est en hausse dans la population en général. Tout à fait. On arrête des prostituées de plus en plus, mais ça va faire d'abord qu'on a un bond des maladies vénériennes. On a un bond entre 1939 et 1941, on a 120% de maladies vénériennes dans la population, ce qui est un taux incroyable. On n'avait pas vu ça depuis des années. Et il faut dire aussi qu'il y a peut-être un aspect de Québec. La présence du clergé est forte à Québec. Ouais. Donc, naturellement, le clergé n'est pas d'accord avec le sexe hors mariage et surtout n'est pas d'accord avec l'utilisation de processus contraceptifs. Ouais. Donc, ça peut peut-être alimenter la situation à Québec à ce moment-là. Comment va réagir le clergé? Comment vont réagir les autorités publiques aussi? Je pense aux élus, à la santé publique. On écoute un court extrait d'une causerie prononcée en 1944 par le docteur Paul Poirier où il parle justement de la problématique liée à la syphilis. Il faut retenir que la syphilis est une maladie évitable. Peu importe que le rapport entre sexe est ou non atteint ou puisse jamais atteindre un équilibre définitif. Il demeure indiscutable que le commerce de la prostitution est un mal et qu'il doit disparaître. Tout homme, toute femme ayant le respect de soi ne peut refuser son influence et sa collaboration à la lutte contre le vice commercialisé. Alors, on entend bien dans cette causerie, le bon docteur Poirier tient un discours très moralisateur, Caroline Damour. Est-ce que ce sera ça le ton que prendront les autorités publiques pour devant ce phénomène d'encanaillement de Québec? Bien, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'à Québec, les autorités municipales, ça fait des années qu'on tolère la prostitution. On est au courant qu'il y a un secteur, on essaie de le restreindre dans un seul quartier. Mais là, la guerre crée d'autres besoins. La guerre, l'armée veut que les hommes ne soient pas en train d'être traités à l'hôpital, mais veut qu'ils soient en train de s'entraîner, etc. Donc, l'armée va assez rapidement va commencer à mettre de la pression sur les autorités municipales pour que on ait un nettoyage de la prostitution du côté des autorités religieuses et quelques autorités au niveau politique, mais pas municipales. On va essayer de mettre un peu de pression aussi parce que les maladies vénériennes deviennent vraiment un En 1943, au Canada, on appelle ça le problème le plus important au niveau de la santé. Donc, c'est un problème qui est partout et Québec en subit les conséquences. Donc, à partir de début des années 43, les autorités militaires vont tenter de mettre la pression sur le maire Lucien Borne. Pas très chaud à l'idée parce qu'on veut, veut continuer à avoir la masse touristique. Oui. Hein? Au niveau économique, ça l'apporte, l'idée d'une ville des plaisirs, ça l'apporte du monde à Québec. Mais à partir de novembre 1943, les autorités militaires vont mettre leurs pieds à terre et vont leur dire « si vous ne fermez pas le quartier de la prostitution, c'est définitif, nous on va mettre Québec hors territoire, hors zone. » Donc ça veut dire que plus aucun militaire va venir à Québec. Et là, ça a un impact. Ça va marcher, les chiffres plongent. Exact. On termine cette émission avec un dernier extrait qui nous ramène un peu à l'état d'esprit général, à la place, au fond, qu'occupe la guerre dans le quotidien des Québécois, dans leur tête aussi. Écoutez cet extrait d'un reportage de Roland Lelièvre à Québec au moment de la capitulation du Japon en août 1945. Mesdames, messieurs, je débarque justement face au château Frontenac. Il y a ici une foule considérable de touristes qui envahit les principaux couloirs du château. Chacun manifeste sa joie à sa façon. Il y avait tout à l'heure ici des explosions de fusibles. Je m'en vais essayer de rencontrer quelqu'un qui pourra nous donner ses impressions en marge de la victoire sur le Japon. Vous me permettez, monsieur et madame, quel est votre nom? Alexandre Yelin, je suis anglais. Nous passons une partie de nos vacances dans votre charmante petite ville. Bien aimable. Vous me semblez en effet de passage ici au château. Alors pourriez-vous me donner vos impressions en marge de la victoire finale des armées alliées? Je suis chinoise. Vous êtes chinoise? Oui, quoique je suis née en Amérique du Sud. Bien entendu, je suis très heureuse qu'enfin la guerre avec le Japon soit terminée. C'est compréhensible, madame. Un reportage où on recueille la réaction de la population au moment de la capitulation du Japon en août 45, ça nous montre quand même, Caroline Damour, puis on termine là-dessus, mais la place qu'occupe cette guerre-là dans la tête, dans le quotidien, mais dans la tête des Québécois. Tout à fait. Faut penser que ça fait 6 ans que la guerre a lieu. On a hâte qu'on passe à d'autres choses parce qu'on sent déjà qu'elle est presque gagnée, la guerre, mais on a hâte et le gouvernement fédéral a beaucoup de régulations, d'interdits, de choses comme ça. Donc, la guerre, comme vous disiez, est au présent à tous les moments de la vie de la population. Donc, je pense qu'on a hâte de se libérer de ça. Caroline Damour, chercheuse postdoctorale en histoire militaire canadienne à l'Université de Boston. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.